Résumé des chapitres précédents. Sylvain est tiré et Guilleneuf, et réciproquement, s'en remettent progressivement et respectivement des fortes émotions que la visite de Chanceville leur a procurées sous l'œil blasé de Léon Lamigraine, poil au smeur de graines. En regagnant entre lieux, Léon Lamigraine, toujours conduisant Guy et Sylvain, toujours conduit, échangeait leurs impressions. « Alors, dit Léon, ça vous a plu, Chanceville ?»« C'est spécial, dit Guy, sans plus compromettre. » « En tout cas, ça valait le déplacement, dit Sylvain. « Vous en verrez bien d'autres encore avant votre départ d'autres lieux, reprit Léon. « Mais plus j'y pense, et plus j'estime que c'est dommage. « Ah oui, vraiment dommage. « Qu'est-ce qui est dommage ?» demanda Guy. « Que vous ne puissiez pas aller à Anguille-sous-Roche. « Anguille-sous-Roche? Qu'est-ce que c'est que ça, Anguille-sous-Roche? « C'est une petite ville qui, tant sur le plan géographique que sur le plan sentimental, se trouve exactement à l'opposé de Chanceville. « On l'a d'ailleurs surnommée la ville hargneuse. » Et pourquoi ne pouvons-nous pas y aller, questionna Sylvain? Parce que, c'est évidemment une raison, reconnut Sylvain, mais parce que quoi? Parce que c'est impossible. Et pourquoi est-ce impossible? Parce que, écoutez, mon vieux Diguet, vous commencez à lui les casser sérieusement, avez-vous, parce que, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ces réticences? Pourquoi ce mystère? Léon Lamigraine, sans répondre, freina doucement, arrêta la voiture, en descendit, se baissa, regarda sous le châssis, leva le capot, le referma après avoir jeté un coup d'œil soupçonneux, fit un tour d'horizon en mettant sa main en visière et, après avoir dûment constaté que nulle oreille indiscrète n'était à l'écoute, nul espion dans le voisinage immédiat, finit par prononcer ces mots à voix basse « Anguille-sous-Roche est une ville maudite ».« Une ville maudite ? » s'exclamèrent-ils. « Chut, doucement, faut pas prononcer ces mots à haute voix, ça porte bagage. « Pardon, Guy, ça porte malheur, voulais-je dire. Excusez-moi, mais chaque fois que je parle d'Anguille-sous-Roche, ça me trouble. Personne ne vous a demandé d'en parler, c'est vous-même qui, de votre propre chef et de propos délibérés, avez... Oui, je sais, parce que je regrette sincèrement que vous ne puissiez y aller. Alors, fallait bien que je vous en parle. Ah oui, c'est vraiment regrettable, mais il n'y a rien à faire. Anguille-sous-Roche est une cité interdite. Peut-être, suggéra Sylvain, par faveur spéciale en demandant à son Excellence, il ne refuserait sûrement pas, le gouverneur lui-même n'y peut rien. Enfin quoi, il va bien, lui, le gouverneur, Anguille-sous-Roche, s'énerva Guy. Pas plus que quiconque. Personne n'est admis à Anguille-sous-Roche. Mais alors, objecta Guy, si personne n'y va, comment sait-on ce qui s'y passe? Par téléphone. Ah bon, parce qu'ils ont tout de même le téléphone, Anguille-sous-Roche. Eux, non, mais nous, oui. Bien sûr, murmura rêveusement Guy. Enfin, soupira Sylvain, puisqu'on ne peut pas y aller, n'en parlons plus. « N'en parlons plus non, dit Léon en écho, mais quand même, et je m'excuse de me répéter, c'est dommage. Oui, vraiment dommage que vous ne puissiez pas y aller, Anguille-sous-Roche, oui, grandement dommage. » Léon Lamigraine disait vrai, il n'exagérait rien, c'était dommage, plus que dommage, infiniment plus que dommage, plus qu'infiniment dommage, car c'est sur les confins des premiers contreforts de la vallée de l'Agnole, à l'extrême limite du territoire d'Outre-Lieu, que s'élève Anguille-sous-Roche, surnommée la ville hargneuse. Anguille-sous-Roche. Anguille-sous-Roche est une ville marquée, stigmatisée, et qui porte encore de nos jours le poids d'une très ancienne malédiction. Et Léon Lamigraine en raconte la légende. À suivre silencieusement et à pas feutrer. Résumé des chapitres précédents. Léon Lamigraine raconte à Guy et à Sylvain la légende d'Anguille-sous-Roche, la cité maudite et interdite. En l'an de grâce 541, sous le règne des rois fainéants, Anguille-sous-Roche avait la réputation solidement établie d'être la cité la plus joyeuse et la plus licencieuse de tout le royaume. Dans une rigolade effrénée, différentes orgies se déroulaient, dont, dans les campagnes avoisinantes, les paysans, à la veillée, ne parlaient qu'en tremblant et en se signant dévotement. Bref, le scandale régnait en maître et en permanence. Or, un soir, que la bacchanale atteignait son point culminant, Une vieille femme courbée sous le poids des ans, vêtue de haillons, apparut soudain, venue, on ne sait d'où. « S'il vous plaît, implora-t-elle d'une voix chevrotante, s'il vous plaît, bonnes gens, la charité, pour l'amour de Dieu, pitié pour une pauvre femme qui n'a pas mangé depuis 2 ans et demi. » Ce qui se passa alors défie la description. Sous les huées, les colibets de la foule en délire, la pauvresse fut dépouillée de ses haillons et jetée au plus fort du foyer de la crapuleuse orgie où on la roula dans les infâmes souillures du stupre et de la sanie. La gaieté devint monumentale, inhumaine, monstrueuse, quand soudain, au prodige, la vieille se redressa et se transforma en une merveilleuse jeune femme qui rayonnait d'un tel éclat que toutes et tous se demandèrent ce qu'on attendait pour inventer les lunettes de soleil. Un lourd silence s'abattit comme une masse sur la foule, subitement calmée. Et la radieuse apparition se mit à parler. « Je suis la fée Moleskine, dit-elle. J'ai voulu vous éprouver. Vous êtes des impurs, des affreux, des méchants et des mauvais. Vous avez jusqu'ici vécu dans le rire et dans la joie. À partir de maintenant, et jusqu'à la consommation des siècles, sans le moindre espoir de rachat, vous vivrez sous le double signe maléfique et permanent de la hargne et de la mauvaise humeur. » Et la fée Moleskine disparut. Quelques-uns des plus pharaons essayèrent de rire. Quelques-uns parmi les plus forcenés tentèrent de ricaner. Mais le rire et le ricanement s'étranglèrent dans leur gorge. Tous les visages se renfroignèrent et prirent une expression hébétée. Le ciel se couvrit, devint couleur d'encre, puis de plomb. La terre trembla. Les éclairs livides zébrèrent la nuit, le tonnerre gronda affreusement, le vent se mit à siffler. Et Anguille Souroche prit le départ pour son nouveau destin. 1424 années se sont écoulées depuis ces mémorables et fantastiques événements, et la malédiction subsiste toujours. Depuis 6 siècles et demi, la population d'Anguille Souroche vit dans un perpétuel état de hargne et de mauvaise humeur. Par contre, la nature n'a pas été touchée par le sort jeté par la fée Moleskine. Au contraire, le ciel d'Anguille Souroche est toujours bleu. Les arbres toujours verts, les fleurs toujours roses, les ardoises toujours grises. Et pourtant, dans la rue, un passant s'adresse à un gardien de la paix. « Dites-donc-vous là, le poulet, à renseignement, je voudrais aller à la poste. Vous n'empêche pas d'y aller, allez hop, circulez !» Dans une chambre d'hôtel, un type saute désespérément depuis plus d'une demi-heure. « Qu'est-ce que c'est ?» hurle une femme de chambre en tenue de souillon. « Ça fait 3 quarts d'heure que j'ai commandé mon petit déjeuner. Et alors ? Quoi que j'ai pas autre chose à faire que de m'occuper des clients ? Délève-la, vos petits déjeuners !» Et le souillon, dans un fracas de vaisselle brisée, lance un plateau garni à la face de l'infortuné. Et c'est partout le même climat. Et ainsi que dans une clinique, un praticien interroge un consultant. « De quoi souffrez-vous ? Qu'est-ce que ça peut vous foutre ?»« Oh, rien ! Vous pouvez bien crever, c'est pour moi qui porterai le deuil. Alors quoi ? Alors quoi ? Quoi ? Bah dites-moi quelque chose tout de même ! Merde ! Même les amoureux sur un banc dans un jardin public. Hey, « Hé ! Quoi ? Je t'aime ! Moi aussi ! Alors, on trempe la soupe ou on casse un œuf ? Moi la paix ! » Et les mêmes, plus tard, après leur mariage. La jeune femme berce son petit enfant et vocifère à tue-tête. « Dodo, l'enfant d'eau, vas-tu dormir, enfant de cocu, fils de garce ?» Et le père, hors de lui, intervient. « T'as fini de gueuler comme ça ? Ben à quoi j'endors ? Le petit, il veut pas s'endormir. Fous-le par la fenêtre !» Et la femme obéit. Et jusque dans l'église, le dimanche, lorsque le curé monte en chaire pour prononcer son prêche, car le saint homme s'exprime en ces termes. « Oui, mes cochons. Oui, mes ordures. Oui, bande de saligots que vous êtes. Quand je pense que c'est pour un ramassis de pourris comme vous, que notre Seigneur est mort en croix et qu'il a dit « Aimez-vous les uns les autres. Tâchez de vous le tenir pendu et de vous conserver le nez propre. Si vous voulez pas que j'aille vous botter ce qui vous sert de fesse à coups de goupillon américain. Allez, foutez-moi le camp et allez au diable !» Sur la porte d'Anguille Souroche, toujours verrouillée à double tour, est clouée une grande pancarte sur laquelle on peut lire « Voyageur égaré, si t'es pas te mène du côté d'Anguille Souroche, passe au large et fuis aussi vite que tu peux la malédiction de la fée Moleskine. » À suivre absolument et inconditionnellement. Résumé des chapitres précédents. Guy et Sylvain viennent d'entendre et d'écouter par la même occasion Léon la migraine leur conter la fantastique légende d'Anguille Souroche, la ville maudite. Il y avait plus de 3 heures que Léon la migraine, Sylvain Étiré et Guy Lanneuf avaient quitté Champsville. Ils auraient donc dû se trouver à proximité d'autres lieux. Or, rien n'annonçait l'approche de la ville, ce qui fait qu'en fait, ils étaient complètement paumés. La voiture longeait maintenant un immense terrain vague, entouré d'autres terrains vagues, eux-mêmes prolongés par des terrains de plus en plus vagues. « On est dans le vague, dit Guy. Au détour d'un chemin creux, qui faisait angle droit avec un chemin plein, Léon avisa un poteau sur lequel était ficelée une pancarte ainsi libellée. « T'es dansant, entrée libre. »« Ça y est !» s'écria-t-il. « Vu, compris, je sais où on est. »« Nous aussi, dit Guy, on est en voiture. » Léon ne releva pas cette plaisanterie éculée. « Terrain militaire, annonça-t-il triomphalement. C'est ici le terrain de manœuvre du 1er régiment de camouflage. »« À quoi voyez-vous ça ?» demanda Guy. « Ben, la pancarte, voyez bien ce qu'il y a d'écrit. Dessus, t'es dansant, entrée libre. »« Et vous en déduisez que c'est le terrain de manœuvre du 1er régiment de camouflage ?»« Ben, évidemment, puisqu'il s'agit d'un régiment de camouflage. »« Alors tout est camouflé, c'est normal, y compris la pancarte. »« En conséquence, t'es dansant, entrée libre, ça veut dire, pour ceux qui sont au courant et qui connaissent le code secret, terrain militaire, entrée interdite. » Astucieux, convainc Guy. N'est-ce pas, dit Léon, est parfaitement en rapport avec les lois stratégiques modernes. D'ailleurs, la devise du 1er régiment de camouflage est celle-ci. Bien voir et ne pas se montrer. Et alors, s'inquiéta Sylvain, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dit Léon, je voudrais bien vous donner un aperçu de ce qui se trafique sur ce terrain, ne serait-ce que pour vous dédommager de ne pouvoir vous rendre en Guy-sur-Ros. Gentil à vous, dit Guy, mais il n'a pas l'air de se passer grand-chose sur ce terrain de manœuvre. Il a l'air de ne rien s'y passer, rectifia Léon, mais en réalité, il s'y passe toujours quelque chose. Demain, on ne s'en rend pas compte. On ne peut pas s'en rendre compte. Tant les spécialistes du 1er régiment de camouflage ont su pousser loin la science du trompe-l'œil et de la dissimulation. Le fait est, constata Sylvain, j'ai beau regarder, je ne vois absolument rien. Pas plus qu'il ne semble se révéler la moindre trace de présence humaine. Descendons dans la voiture, dit Léon, et avançons un peu. Ils firent une centaine de pas. Léon, qui avait pris une paire de jumelles dans la boîte à gants de la voiture, les assujettit et fit un tour d'horizon. Tenez, fit-il à Guy en les lui passant. Regardez, qu'est-ce que vous voyez à présent? Guy observa un moment et dit « Au centre du terrain, j'aperçois, distant d'environ 50 têtes de mètre l'un de l'autre, une demi-douzaine de pavillons à deux étages. »« Eh bien, mon cher Guy, s'exclama Léon, vous n'y êtes pas du tout. Ce sont tout simplement des blocos souterrains camouflés en pavillons à deux étages. » Guy et Sylvain n'en revenaient pas. « C'est formidable, s'écrièrent-ils. N'est-ce pas? Et tout le reste est à l'avenant. Du premier au dernier, tous les gars de ce régiment d'élite sont des as en matière de camouflage. » À ce moment, parvint à leurs oreilles un bruit d'attelage et de grelots. « Curieux équipage !» constata Guy en désignant une sorte de fourragère qui se dirigeait dans leur direction. Le mot « curieux » était pour le moins celui qui convenait. Car, chose bizarre et assez incompréhensible, la fourragère était tirée par deux hommes et conduite par un cheval assis sur le siège, un fouet à la patte. Et le cheval se met à hurler « Uo, rio, oh, là, inouï, inouï !» s'exclama Guy, fortement excité. « Non mais regardez-moi ça, voilà le cheval qui descend de son siège et qui s'approche de nous tandis que les deux hommes se mettent à manger de l'avoine et de la paille mélassée. » Le cheval à présent était à deux pas du petit groupe des trois amis. « Hello, fait-il ce vieux Léon Lamigraine, comment ça va ?»« Ah ben, ben, ben !» s'écria Léon littéralement interloqué. « Eh bien mais... » Et son visage s'éclaira tout à coup. « Eh bien, mais par exemple, mais c'est ce vieux Ludovic Fnuf, ma parole !» Alors ça, pour une surprise, si je m'attendais. Puis, se ressaisissant, « Messieurs, dit-il aux deux reporters, je vous présente Ludovic Fnuf, un excellent ami à moi, camarade de lycée. Guy Lanneuf et Sylvain Attiré, envoyés spéciaux de mardi 8h. Mais qu'est-ce que tu fabriques dans cet accoutrement hippique ?»« Je fais un stage au 1er régiment de camouflage auprès duquel je suis actuellement détaché, » répondit de fort bonne grâce le cheval, ou plutôt Ludovic Fnuf, ce qui revenait au même. « Tu sais qu'on t'a pris pour un vrai cheval, dit Léon. »« Tant mieux, dit Ludovic, visiblement satisfait. »« On nous a donné comme thème d'exercice des simulations en terrain découvert aux yeux de l'aviation ennemie. »« Alors j'ai eu l'idée de me camoufler en cheval, et ces deux gentlemen qui tirent la charrette sont deux véritables chevaux déguisés en hommes du monde. »« Félicitations, monsieur, dit Sylvain, c'est tout simplement du tonnerre. »« Mais dites-moi si toutefois ma question n'est pas indiscrète. »« Puis-je vous demander, puisque vous êtes en stage au 1er régiment de camouflage, quelle est votre arme d'origine ?» À suivre aveuglément et en toute confiance. Résumé des chapitres précédents. Sylvain vient demander à Ludovic Fnuf, stagiaire au 1er régiment de camouflage, s'il n'était pas indiscret à lui demander quelle était son arme d'origine. « Aucune indiscrétion, cher monsieur. J'appartiens au 28e trench coat de montagne motorisée. »« Ah ah, et naturellement, vous n'opérez qu'en montagne. Exclusivement. Excusez-moi, je comprends sans doute mal, car à perte de vue, c'est la plaine ici. » Ludovic Hufnuf et Dubochet en sourire. Ça a l'air d'être de la plaine, esquissa-t-il. Mais en réalité, ce sont des montagnes camouflées en pays plat. Extraordinaire. Quel travail ça a dû être. Certes, on n'en a rien sans mal. Et le camouflage poussiasse de grès nécessite beaucoup d'efforts et une infinie patience. Et, demanda Léon, tu es tout seul avec ton équipage? Non, j'ai là une botte de paille de mes amis que je vais me faire un plaisir de vous présenter. Vous avez un ami qui est botte de paille, Figgy? Oui, c'est-à-dire qu'il est camouflé en botte de paille. Une seconde, je vais vous le présenter. Et Ludovic Hufnuf empoigna une fourche avec ses deux pattes de devant, la piqua dans les fesses de la botte de paille humaine et la déposa devant les trois amis. « Je vous présente, dit-il, mon camarade de camouflage, Isidore Malfrat. » Isidore Malfrat s'inclina, mais observait un mutisme complet. « Pas bavard, votre camarade, dit Sylvain. Vous avez déjà entendu une botte de paille parler ? C'est juste. Excusez-moi, mais dites-moi, cher monsieur, vous êtes toujours déguisé en cheval ? Oh non, ça dépend des instructions. Ainsi, la nuit dernière, pour prendre la gare sur le toit du Metz, j'étais camouflé en cigogne avec un long bec. J'étais accroupi sur une cheminée, je battais des ailes en faisant grou, grou, grou. Et votre copain ? Lui, il était camouflé en girouette, et il tournait sur lui-même en grinçant des dents. « Oh !» s'exclama-t-il, « regardez ces deux là-bas, un peu en train à gauche, et des copains à moi, deux champions. » Tous se tournèrent et aperçurent un petit groupe assez difficile à définir. « On distingue mal, » dit Guy. « Qu'est-ce qu'ils font au juste ?»« Au poil !» s'écria Ludovic Hufnuf en piaffant d'admiration, ils sont inouïs. « Tels que vous les voyez, ils sont camouflés en nouveau-né, et ils se portent mutuellement sur les bras. Allez, maintenant on va boire un pot. » Et ils se dirigèrent vers l'abreuvoir. Chemin faisant, ils aperçurent un arbre tout seul, isolé, planté au milieu du terrain. Ludovic Hufnuf fronça le sourcil. « Qu'est-ce que c'est que cet arbre ?» demanda Guy. « On dirait un pin. »« C'en est un, » répondit Ludovic, « ou plutôt un faux. »« Ah, c'est un faux pin. »« Ouais, c'est un troufion qui a mouffé en pin. »« Littéralement, on l'a peint en pin. »« Ah, c'est un pin-pin. »« C'est ça, mais c'est aussi un idiot. »« Attendez voir. » Et s'approchant du pin. « Alors, lui dit-il sévèrement, on est de faction ?»« Oui, » répondit le pin. « Et qu'est-ce que c'est que ce bracelet-montre que vous portez à une basse branche, hein ? Vous vous rendez pas compte qu'en temps de guerre, vous seriez immédiatement repéré et démasqué? La prochaine fois, attention, sans quoi je vous signale. À vos ordres, hurla le pin, en essuyant la résine qui coulait de son front. C'est vraiment un extraordinaire régiment que ce régiment de camouflage, dit Sylvain. Vous êtes nombreux comme homme de troupe? Ben, il y a mon camarade, la botte de paille et moi, les deux que vous avez vus déguisés en bébé, et le pin que je viens d'engueuler, ça fait cinq. Cinq, c'est un agui. Les autres, alors? Les autres, c'est tous des colonels. Des colonels? Oui, il y a dans ce régiment quelque chose comme 1500 colonels. C'est insensé. Comment expliquez-vous ça? N'explique pas, je le constate, et je trouve que ça marche très bien comme ça. Mais alors, dit Sylvain, comment le régiment est-il organisé? Mais exactement comme un autre régiment, à la différence près que les colonels forment le gros de l'effectif. Mais alors, qu'est-ce qui fait la soupe? Un colonel cuistot. Et qui commande dans ce régiment? Ben, un colonel. Ça se passe par roulement. Tous les jours, il y a un colonel qui prend le commandement des autres colonels. Tenez, voilà justement une corvée de colonels qui vont aux patates commandées par le colonel d'ordinaire. C'est vraiment extraordinaire, dit Guy. Et vous avez un colonel clairon? Ah, bien entendu. Mais comme il ne connaît pas le clairon, il joue du violon. Ça doit être ravissant. Mais dans tout ça, en dehors de votre stage de camouflage, qu'est-ce que vous faites, vous et vos quatre camarades, hommes de troupe? On regarde ça d'un air amusé et surpris, et quand ça tourne par rond chez les colonels, on intervient pour mettre de l'ordre et maintenir la discipline, laquelle plus que jamais fait la force principale des armées. Mais allons, allons, qu'est-ce qui se passe là-bas? Excusez-moi une seconde, je vais voir. Effectivement, une forte agitation régnait, permet une importante réunion de colonels. Des cris, des clameurs parvenaient jusqu'aux oreilles des trois amis en un brouhaha assourdissant. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Demanda anxieusement Léon la migraine à Ludovic Hufnuf, qui revenait au galop. Rien que très normal, répondit-il. Tous les colonels viennent d'être promus généraux. Toutes nos félicitations, dit Sylvain. Oh, j'y suis pour rien. C'est pour moi qui fais les nominations. Mais c'est tout de même pas une raison pour qu'ils essayent de couper au plus. Excusez-moi, messieurs, excusez-moi, Léon, il faut que j'aille m'occuper de tout ça. Généraux ou pas, faut qu'ils fassent leur boulot. Allez, la botte de paille, amène-toi et que ça saute. Bonne besogne, dit Guy. Excellent esprit, dit Sylvain. Avec des hommes comme ça, ajouta fièrement Léon la migraine, la patrie peut dormir de pied ferme sur ses deux oreilles. Et tous trois reprirent le chemin d'autres lieux. À suivre, sans hésitation ni murmure. Résumé des chapitres précédents. Guy et Sylvain sont rentrés à autre lieu, littéralement enthousiasmés, par leur visite au terrain de manœuvre du 1er régiment de camouflage. Par une belle fin de matinée, Guy et Sylvain, ce jour-là, toujours pilotés par Léon Lamigraine, déambulaient en flânant par les rues de la ville tout en discutant à bâton rompu. Ils s'arrêtaient de temps à autre devant les vitrines des magasins et se payaient une sérieuse partie de l'Escarot. Devant une somptueuse librairie, Guy manifesta le désir d'acheter un roman policier. « Entrons, dit Léon, qui a eu de la décision. » Une jeune et avenante vendeuse s'affaira. « Un roman policier, dit-elle, mais parfaitement, de quelle série? Série noire, série verte, série glauque? Série louche et blême, précisa Guy. « Alors je vous recommande le dernier paru, d'entendre la balayette, de William McMish. C'est bien sensationnel. C'est l'histoire d'un détective privé qui procède par la psychanalyse et qui, de déduction en déduction, finit par mettre la main au collet d'un redoutable gangster qui a kidnappé une jeune fille qui devient la maîtresse du pompiste d'un poste d'essence et qui, obsédée par la profession de son amant, accouche avant terme d'un bidon de 5 litres normalement constitué. « Ça doit être passionnant, dit Guy. « Et humain, renchérit Léon. « Je le prends, dit Guy. C'est combien, mademoiselle ?»« 15 francs bruts et 25 tout rodés, plaît-il ?»« 15 francs bruts et 25 tout rodés. » Guy ouvrit les yeux ébahis, interrogateur. Léon Lamigraine intervint. « Oui, ici, à autre lieu et dans toutes les librairies du territoire, les livres se vendent de cette façon. »« Je ne comprends pas très bien, dit Guy. C'est pourtant très simple. Je vais vous emmener sur le champ aux éditions du Scorpion Biop, où sont installés les ateliers de rodage littéraire. Donc passons tout à l'heure prendre ce livre. Venez, c'est tout à côté. » C'était en effet à deux pas, ou pour plus de précision, à six pas, puisqu'ils étaient trois. Et que deux pas multipliés par trois, ça fait six, du côté d'ailleurs comme du côté d'ici. Monsieur Boniface Derain, le jeune et dynamique directeur des éditions du Scorpion Biop, l'y reçut fort aimablement. C'était d'ailleurs un ami de Léon Lamigraine qui, en deux mots, lui exposa de quoi il retournait après avoir décliné les noms et qualités de Guy et de Sylvain. Boniface Derain leur souhaita la bienvenue et leur offrit à chacun une chaise et un verre de schnapps. Après quoi, il prit la parole. « Le rodage des livres, messieurs, commença-t-il ? » a incontestablement fait faire un pas de géant dans la marche au progrès de l'industrie du même nom. Et pourtant, c'est très simple. Seulement, il fallait y penser. « Et vous êtes le premier à y avoir pensé, dit aimablement Léon. J'ai eu cet avantage, convint le jeune directeur. L'expérience des autres, mise au service de la mienne, m'a permis de réaliser que l'on pouvait et que l'on devait appliquer à l'industrie du livre les principes de l'industrie automobile. Comme dans notre chambre, interrompit Sylvain, qui comporte cinq murs dont un de secours. Ça part du même principe. Mais dans le livre, c'est néanmoins très différent. Et c'est pourquoi j'ai fait construire des ateliers dans lesquels on procède au rodage des livres avant de les livrer à la consommation. Si vous voulez bien me suivre, c'est par ici, messieurs. Boniface Derain, il vit alors pénétrer dans un spacieux atelier garni de nombreuses machines, auprès desquelles s'affairait un personnel diligent et en plein rendement. « Voici, messieurs, dit-il, notre chaîne de rodage. Procédons, si vous le voulez bien, par ordre et méthode. Ce livre que vous voyez, qu'est-ce que c'est comme livre ?» demanda Sylvain. « C'est un ouvrage moral et philosophique. Les pédicures de l'âme, d'Attila Rémoulade. » Attila Rémoulade est en quelque sorte le Paul Claudel d'autre lieu. « Comme vous pouvez le constater, c'est un livre brut. Et vous allez voir comment on le rôde. Avancez, je vous prie. » Voici tout d'abord, premier maillon de la chaîne, la machine coupe-feuille qui ouvre les pages afin que le lecteur n'ait plus à se livrer à cette fastidieuse besogne. Deuxième maillon à présent, le livre est plongé dans un bain d'huile douce afin que les pages puissent tourner harmonieusement et silencieusement sans se fripper ni se corner. Les ouvriers que vous voyez en plein labeur sont des tourneurs sur livre. Troisième maillon, le livre est ensuite séché à la pâte à polir et passe alors entre les mains des metteurs aux pointes à la ligne. Ceux-ci, et constatez, messieurs, avec quelle minutie ils procèdent, lisent le livre mot par mot, ligne par ligne, page par page, vérifient l'assemblage, resserrent la ponctuation, emboutissent les chapitres, règlent les alinéas et renforcent la préface et la table des matières. C'est génial, dit Guy, et réconfortant, dit Sylvain. Le livre, alors parvenu à ce stade, n'a plus qu'à passer au banc d'essai que voici. Comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est un banc de jardin sur lequel sont installés les essayeurs qui relisent à leur tour le livre. Ils le lisent d'abord à la vitesse de 30 pages à l'heure, puis de 50, pour arriver enfin à 115 pages, qui constituent la moyenne horaire pour ces sortes de bouquins. On procède alors à une révision générale, on vidange les mots superflus, et voilà, messieurs, notre livre en ordre de lecteur public. Eh bien, monsieur, ne puisse empêcher de dire, Guy, très sincèrement et sans vouloir vous flatter, un homme tel que vous est l'honneur de la Société Générale. Pardon ? Excusez-moi, de la société en général. Naturellement, dit encore le jeune directeur, le livre est garanti 6 mois, pendant lesquels le lecteur peut faire remplacer tout chapitre qu'il ne comprend pas ou tout passage rendu obscur par suite de vices de texte. Voilà, messieurs, en quoi consiste le délicat travail du rodage de livres. Guy et Sylvain remercièrent longuement M. Boniface Derain. Nous avons été, dit Sylvain, prodigieusement intéressés et nous vous adressons nos plus sincères compliments. Il nous reste à souhaiter que votre passionnante initiative fasse rapidement boule de neige et s'étende à un bref délai sur les deux continents, y compris la banlieue et les régions limitrophes. À suivre librement et en toute indépendance. Thank you.